Croquis de Veuillot, de contes, récits et scènes en vers par Gustave Nadeau. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Croquis de Veuillot à Louis Ulbach. Je ne te connais pas, ni ne veux te connaître. Je n'ai pas de regrets. Et j'en aurais peut-être, si te voyant un jour, je devais confesser que tu n'es pas celui qu'il me plaît d'esquisser. On éprouve parfois de ces déconvenus à vouloir deviner des faces inconnues. Que tu sois, je suppose, un homme bien peigné, ganté de peau de chien, de parfums imprégnés, fréquentant les cafés, les coulisses, la bourse, et pariant au match pour un cheval de course. Mon esprit se révolte, et je dis aussitôt, ôtez-moi ce pantin, ce n'est pas mon Veuillot. Que tu sois au contraire un homme à l'œil oblique, au teint jaune et blafard, à l'aspect famélique, tel que les libéraux nous ont représenté, le jésuite sordide en son froc écourté. Je dis encore, non, ce drôle n'est pas l'homme qu'on insulte à Paris et qu'on ménage à Rome. Veux-tu savoir alors comment je t'ai rêvé? Regarde ce croquis, je crois l'avoir trouvé. Tu dois être assez laid, mais d'une laideur mâle, celle de Mirabeau, la joue un peu plus pâle. Les boutons qui chargeaient son teint couperosé, au lieu de te fleurir, semblent t'avoir creusé. Parlons plus clairement. La petite vérole a dû de quelques trous entamer ta corolle. Tes cheveux sont épais, ton front terne et pensif, c'est clair d'un regard plutôt malin que vif. Ta lèvre sensuelle et ta narine ouverte pouvaient tout doucement te conduire à ta perte. Si la religion avec son frein puissant ne venait réprimer les ardeurs de ton sang, la sphère gravitant à distance d'épaule, ton torse s'arrondit sous de vastes épaules. Ton vigoureux esprit veut un corps vigoureux qui garde l'équilibre et ne sonne pas creux. Comme tempérament, digestion facile, avec plus d'un désordre amené par la bile. Un léger purgatif pris au printemps nouveau, en lavant l'estomac, dégage le cerveau. Mais tu ne voudrais pas de ce moyen comique. Un instinct te poussa de vers la polémique. Pour faire ta trouée, il te fallait un camp où le premier emploi de ténor fut vacant. Le hasard dirigeant autrement ta carrière, tu pouvais te nommer Barbèze ou Caussidière. Un rôle était à prendre au camp pontifical et tu te convertis en tribun clérical. Je ne redoute pas qu'au fardeau tu succombes, épervier, belliqueux, qui défend des colombes. Tu fais peur au contraire à ces oiseaux de paix, qui mesurent ton vol hardi, ton bec épais, et qui tremblent toujours que ta serre amicale n'entame en se jouant leur plume virginale. Que serait-ce, grand Dieu, s'il t'arrivait un jour d'en croquer quelques-uns dans un excès d'amour. Tu connais ce lettré dont la bibliothèque renfermait Aristote, Isocrate, Sénèque, et sans rhéteur fameux, mais d'un mince intérêt, relié richement et serré à secret, ces volumes faisaient le charme de ses veilles, mais on a su depuis que c'était des bouteilles, et qu'on pouvait trouver dans ces vieux écrivains le plaisir qu'on éprouve à boire de bon vin. Personne ne croira, certes, que je te juge, capable d'employer un pareil subterfuge. Mais je t'ai soupçonné, je ne suis pas méchant, d'user à ton profit d'un moyen approchant. Tu n'es pas sans avoir les pères de l'Église, eh bien, le pavillon couvrant la marchandise. Je pense qu'à l'abri des pères et docteurs, tu fais un second rang de profanes auteurs. Saint Grégoire, Saint Paul et saint Chrysostome, cacherait Rabelais et Marot et Brantôme. Régnier, ce tapis roi derrière le latin, de Grégoire de Tours ou de saint Augustin. Béranger se tiendrait voilé sous la cordère, et calmé, d'homme calmé, arbriterait Voltaire. Voltaire, oui, je l'ai dit, et ne m'en dédie pas. On ne lit pas tout haut ce qu'on relit tout bas. Si tous ces francs lurons ne sont pas tes ancêtres, on sent que malgré toi, tu les as pris pour maîtres. D'où te viendraient sans eux toutes ces crudités qui tiennent les dévots ravis et tourmentés? La muse de Veuillot n'est pas une bégueule. Elle est haute en couleur, charnue et forte en gueule. Muse, pardonnez-moi si j'emploie aujourd'hui des termes familiers, moins pour vous que pour lui. Ardent à te venger et prompt à te défendre, tu sais subir l'injure et plus souvent la rendre. Même plus d'une fois, plus d'un a remarqué que tu te défendais avant d'être attaqué. Qui donc t'inspirerait cette ardeur enfiévrée? Qui ne nous paraît pas l'éloquence sacrée? À coup sûr, il n'est pas vraisemblable ni vrai que ce soit Fénelon le signe de Cambrai. Est-ce tempérament et besoin de nature, ou bien as-tu trouvé ton âpre nourriture? Dans ces fiers écrivains, dans ces libres Gaulois, qui ne rugissaient pas et font rougir parfois? Oui, plus j'y réfléchis, plus j'incline à le croire. Tu possèdes leur style, et c'est ta grande gloire. Sur ce point je t'honore, et puis tu fais des vers. Or, j'aime les esprits atteints de ce travers. Ils sont faits pour prouver qu'en un temps mercantile, tout n'est pas absorbé par la matière vile, et qu'il reste des gens épris d'un art ancien, qui coûte du travail et ne rapporte rien. Je sais bien que tes vers ne valent pas ta prose. Le fruit fatigue l'arbre et la fleur le repose. Il est une saison où de chaque bosquet s'élève un doux parfum, violette ou muguet. Laisse-nous donc cueillir les fraîches églantines qui naissent au printemps dans ton buisson d'épines. Sur ce, je te souhaite une bonne santé en te recommandant, frère, la charité. Fin de Croquis de Veuillot. Enregistré par Margot.